Monte le son. Monte le son, c'est Cassius FM. Buongiorno. Écoute. Cassius FM. Moi j'aime. Oh Pedro. Attends, on vivait un moment. Tu vois, une symbiose quoi. Là, bon, les gars, moi je suis pas content du tout là. Je m'absente 5 minutes. Vous passez un morceau de Drugs remixé par Chateau Fly et personne fait de big up à Gilbert et à Loïc. Attends, on l'a dit, c'était énorme. Qu'est-ce que tu racontes? C'est Gilbert et Loïc, merde. Bouyaka! Gilbert et Loïc en même temps sur le mix. Et iCube, excusez-moi quand même. Mais sur mix, j'en ai dit tout à l'heure, il était énorme, on est tous restés collés tous. Et si on a le temps, on ne peut plus rien dire. Ouais, on devrait le remettre. Comme journée. De toute façon, c'est de la grosse balle, ce qu'il a mis quand même. J'ai dit pas sur le Cyrilou là. Bon, justement, maintenant, Zdar, à toi de faire tes preuves. Non, on mixe pas, on met là, on passe au morceau préféré. Voilà. Donc la découverte. La découverte de la journée. Bon, alors. Qu'est-ce que c'est que t'as découvert? Je sais plus là, mais tout ce que je sais, c'est que c'est encore un poteau qui est dans l'histoire. Il y a Gringo dans l'histoire, j'ai l'impression. Hein. Il a écrit sur le disque. Il y a Gringo dans l'histoire. Vas-y Cyril, tu peux envoyer le scud. Radio Pirate, Cassius FM. I've never had you.

Nous a enterré avec nos morceaux préférés. Bon, ouais. Alors on va commencer par la. Oui, on va. Ouais, vas-y, par là, juste là. Ah, il veut être sérieux, Romain. Vas-y, alors. Génial, c'est un morceau de 80, je crois. Lime on the Grid. Oh là là, ça c'était énorme. C'est celui-là qui a enterré tous les autres, quand même. Ah ouais, fabuleux, quoi. Alors avant c'était le morceau préféré. Ah oui, non, avant c'était Mortel. C'était Soft Cell. La découverte. Morceau du cœur. Cell, Memorabilia. Ouais, vraiment là, Hubert, on l'oubliera jamais. Très Backroom Addict, franchement, exactement. Voilà. Et on a commencé avec le morceau préféré de Philippe Dard en personne. Pète grave aussi. Trash Palace, Sex on the Beach. Et quand je disais qu'il y avait Gringo, c'est parce que j'ai vu qu'il y avait Discograph derrière et que c'était le label. Donc voilà. Franchement, ça t'a tué. Vraiment, vraiment. Big up to Gringo aussi. On le fait là. 1, 2, 3. Gringo. Et alors, normalement, à cette heure-là, je crois que c'est Eric Rug sur FG. Alors, big up à Eric Rug. Ah, parce que Eric c'est vraiment DJ Funky, c'est Eric Rug. Vraiment. Ça, c'est bien, rapport à ça, ça me fait trop plaisir. Et Pépé, pourquoi il parle c'est pas Claire Chazal sur TF1. Parce qu'il va nous faire écouter son morceau préféré de la journée. Oh, Pépé, c'est quoi? Eh, on veut pas savoir. T'es fou, quoi. Mais non, tu dis. Vas-y, envoie le mec. FM. Cassius FM. Monte le son. Toujours sur Cassius FM. Toujours. Alors Pedro, c'était quoi ce morceau? Bon, ça c'est mon coup de cœur du moment. C'est un français qui s'appelle Lacœur. Que je connais pas. Ça sort sur un jeune label tout neuf qui s'appelle Vorsten & Limontel. Un nom bien compliqué, mais qui nous réserve des bien belles surprises. Et en plus, le Joe vient de rentrer dans le studio. Le Joe qui a mixé le morceau. C'est pas fabuleux. Big up au Joe là. Big up. Bon, vas-y, avant la pub. Ça se remplit un peu le studio, là. Il faut savoir, pour la pub, là, on a une annonce pour les annonceurs d'FG. Il y a tellement d'auditeurs, c'est les records ont explosé, qu'en fait, ça va leur coûter vachement plus cher de faire de la pub, là. Voilà. Une augmentation de 50%. Il va y avoir un spot toutes les 5 minutes. Bravo, Cassius FM. Bravo. Nous remercions FG. Voilà. Merci. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, quand même. Big up à FG, quand même, de nous accueillir, quoi. Bon, Cyril, là, t'as un truc à nous envoyer? Vas-y. Salut. Cassius FM. C'est la pub, mon pote là. C'est la pub, mon pote. La TPP. C'est la pub, mon pote là. C'est la pub, mon pote. Yeah, la pub. FG présente Cassius FM. Cassius FM. By those who false predictions, in addition, got a mission, a vision. If you would listen, produce collaboration, increasing palpitations. You're understanding my flow, and she got you bubbling. I see you wondering why you hear my name again. Never the same again. Yes, we came to reign again, and if we fade again, we'll overcome the pain again. just take a breath and continue the explanation. Turn off the PlayStation, still demand attention. Then I mention poetic extension, my redemption. Soul is in suspension, ethic realization. Report libation for ethic formation. Empower this position, more come to listen. Yo, flow of trees like a master of chemistry. Turn your negativity into kinetic energy. You can't test me. No, no, you can't test me. See, subtracting abstract messages from within. This what I'm giving, this what I'm giving, this what I'm giving. Subtracting abstract messages from within. This what I'm giving, this what I'm giving, this what I'm giving. Radio Pirate, Cassius FM, avec un guest exceptionnel, DJ Deep. chez toi aussi, tape dans les mains. DJ Tears. FM. Avec un guest exceptionnel, DJ Deep. about house music. It's all about house music. Listen, children, I'm gonna tell you about this thing called house music. Like my boy Eddie told you, it's a spiritual thing. Yes, it is. But I'm here to tell you more of what house music means to me. House music is a healer when you don't feel good inside. House music is a joy. Yes, it is. When your heart feels bad. House music is something that picks you up when you're feeling down. Yes, it is. And can't nobody steal your joy on the dance floor once the music takes over you. It's all about house music. It's all about house music. It's all about house music. It's all about house music. You see, everything comes together for a reason. And the reason right now is to come together for the house music sound. Yes, it is. All right. Something about the house music gets all in you and makes you feel good. Makes you clap your hands and it makes you stomp your feet. And can't no other music do that to you but house music. Oh yeah, come on. It's all about house music. It's all about house music. It's all about house music. It's all about house music. I don't think you hear me. Let me break it down to you. What house music stands for. Listen. H is for happiness. Because when you feel the music, it makes you happy. And O is for outstanding. Because the music fills you up. And U is for unity. Because it brings us all together. And S is for the soul. Because when you feel it, you feel it all in your soul. And E is for eternity. You want to know why? Because house music will never die. Radio Pirate, Casus FM. Avec un guest exceptionnel, DJ Deep. Yeah. DJ Deep nous a encore retourné. Et ouais, le Cirello. DJ Deep. DJ Deep. Oh, ah non, moi, là, franchement, ce soir, je suis très content qu'il soit venu, le Cirello, avec nous. Et on voudrait te demander un truc. Qui es-tu, DJ Deep? Aïe. DJ, qui es-tu? Qui es-tu, Cirello? Tu le sais. Toi-même, tu le sais. Voilà. Raconte-nous un petit peu, juste 5 minutes avant, là, comment t'es tombé dedans. Non, mais c'est vrai. C'est intègre. Qu'est-ce qui s'est passé, franchement? Super intègre, mec, t'étais vraiment un mec hyper intègre. Ouais, Hubert, te connais pas, Hubert. Moi, je te connais carrément. Je suis un mec fasciné par l'instant replay, en fait. Donc, c'est un mec de l'instant. Voilà. Qui replay, tout le temps. J'aime bien quand tu dis que tu vas venir mais que tu vas pas mixer. C'était trop cool. Non, il y avait vraiment, en tout cas, bon goût, quoi. C'est puis les disques. C'est les maudits, hein. Hubert, il a dit bon goût. Franchement, j'ai dit bon goût, j'ai dit le commentaire, bon goût. Bon, ça va, Cyril, t'es bien là ou pas? Tranquillo. C'est cool de passer des skins d'ici, t'as vu? Ouais, ouais, c'est plutôt coolos. Ça vient après. On a envie de mixer tout le temps. Pedro. Non, mais moi je suis content. Bah c'est cool, Cyril est là. C'est vrai qu'il a une réputation un peu de renloin. Non, mais c'est pour ça que c'est ce que j'aime bien. C'est que non, mais attendez. Ah, mais finis tes phrases parce que là. Renloin, c'est un truc entre nous. Non, parce que à côté de Philippe qui joue des. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'hommes blancs dans cette pièce. Non, mais Philippe, non, mais arrêtez, ça n'a rien à voir. C'est des relous. Philippe qui joue des disques d'allemand survénère et tout ça, et toi t'amènes un peu de douceur et de délicatesse dans ce monde de brut. Ouais. Ok, bon bah ça c'était du commentaire. C'était une question. Tout bidon ta question. Non mais bon je sais pas, tu. Mais laissez-moi mixer, vous voyez bien qu'il faut pas que je parle. Vas-y, vas-y, parle. Parle-nous de Romain. Venez, on parle de Romain. Sérieux, comme Romain est pas là, on parle de lui. Non, hey, excusez-moi, on peut accueillir. Parce qu'il a pas tous été un mentor pour nous. Ah ouais, il faut accueillir. On peut accueillir Jérôme Vigée-Colère qui vient d'arriver dans les studios quand même. Coucou. C'est bien ici. Ouais, on m'avait dit que c'était il y aurait un club pirate. Le club pirate. Ouais, ouais, un étage de bureau sans voisin et tout, qu'on allait mettre le meilleur sound system du monde et puis que ce serait un club pirate à Paris. Ah ouais, mais on vendrait pas d'alcool. Hein. Pour l'instant, le meilleur sound system du monde, on est mal barré. On ne vend pas l'alcool, en fait, on le donne. Ouais, voilà. Ça, c'est clair qu'on le vend pas l'alcool. T'as vu? Bon alors les garçons, là, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas réussi à faire pareil, Cyril. Ben non, mais DJ Deep, reviens, rejoins-nous. On a Jérôme, il y a Deep, tu vois, qu'est-ce qu'on peut raconter? Ah ouais, les morceaux. Ben non, mais voilà, tout simplement, déjà commencer par l'essentiel. Alors les morceaux, le dernier truc, c'est un truc terrible, c'est le tout nouveau Underground Resistance. En fait, c'est un nouveau label qui sort, qui s'appelle Sweat. Ah, le truc là, on a tout gueulé là. Le truc un peu gospel, machin. C'est possible, un truc pareil. Juste avant, c'était le nouveau disque de ce jeune producteur français, Franck Roger, ça sort sur Straight Up. C'est assez terrible, assez deep, mystique comme ça, assez mystique. Et avant, c'était terrible. Avant, ça va te plaire, Philippe. C'était Jazzy Jeff, remixé par Osul Nadé, avec Héro, le chanteur qui chantait Don't Change, et Bilal. Oh là là là. Et j'ai pensé à toi, mon grand. Eh ben, c'est rigolo, pas chier. Juste avant j'adore ça, quand Cyril me dit mon grand alors que je fais au moins 25 cm de moins que lui, quoi. Juste avant ça, c'était le tout nouveau Peven Everett, extrait de son nouvel album. Ah, c'était ça. Tout le monde a demandé ce que c'était tout à l'heure. Et on a commencé avec le tout nouvel album de la production Hidden Beach, aka Jazzy Jeff and Crew, dont j'ai complètement oublié le nom, mais c'est un truc genre Floetry, Floetry Poetry. Oh là là là là, c'est bien une émission sérieuse. Floetry Poetry, repeat after me. Bonjour. Vous êtes sur Green FM. Romain, fais péter un petit morceau, mon poteau, là. Vas-y, mets les basses à plus 12. Oh là là, qu'est-ce que c'est? The little bell tinkle and wind chime. and we exhale it out. Just do it. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Just do it. And breathe in, breathe out. True, false. Now, today's Ebonics language lesson. Meeting girls. My, you're a lovely young lady. Damn, you's a fine mother. Damn, you's a fine mother. Let's go for a ride, shall we? Hey, baby, jump in my lowrider and let's rotate these tires. Hey, baby, let's jump in my lowrider and let's rotate these tires. You are beautiful. I would like to make love to you. Damn, bitch, you stupid fly. Let me pull up that bumper and smack that money. Damn, bitch, you're stupid fly. Let me pull up to your bumper and smack that monkey. Greeting old friends. Hello, sir. What up, dog? What up, dog? May I borrow some money? Hey, let me hold some mens. I hit you back on the first, my brother. Hey, let me hold some ends. I will hit you back on the first, my brother. Hi, this is Barry White. Please join me on Friday, Saturday, and Sunday for the first, fucking thing. I'm cutting a fucking stop, Tony. Jesus. Oh Cassius là c'est de la merde. Cassez-vous Cassius, oh là là, vous cassez la gueule. On pirate la radio Cassius. On veut des fins. Hi, this is Barry White. Please join me on Friday, Saturday and Sunday for the first fucking thing. I'm cutting a fucking stop, Tony. Supposing you're watching the play on you. And it's just about time for them to have an orgasm. When all of a sudden, wham! The horrible noise comes in and completely destroys your orgasm on the Playboy channel. Cassius FM. There it goes. Alors, Romain, il nous a trituré la tête. Des trucs bizarres. Accidenti. Espèce de truc chelou ici. Oh là là, Romain, il a déconné grave là avec son disque. Maintenant, on va se manger la pub. Ouais, on va se manger la pub. Histoire de bien rester dans la bonne vibe. Oh, Pépé. La bonne pub. Pépé. Cassius. On n'est pas assez sérieux, faut qu'on soit sérieux. Là. Mais non, mais c'est bon, lâchez-vous. Cassius. Non, mais vas-y, toi. L'album est dans les bacs. On s'en sérieux. Cassius FM. Parce qu'il y a la pub, c'est ça, Pépé? Eh, il y a la pub. L'album est dans les bacs. Minuit moins 4 sur Cassius FM sur Radio FG. Minuit. Paris DJ Radio. Ton forfait, soirée, week-end. C'est FG.